LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Das ist für uns unmöglich, den Munitionstransport auf diesem Wege durchzuführen. Je passe les trois jours de fête chez les Roger Hubert à la Malmaison. Maison confortable et charmante. 1er janvier 43, Paris, journal de Jean Cocteau. Hubert possède un poste de radio assez extraordinaire à cause de l'usine électrique qu'il a obtenue d'avoir à domicile. J'ai écouté l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre et l'Amérique, les unes après les autres. Cet exercice donne le vertige, le même optimisme, et chaque peuple est vainqueur. Oh. 5 janvier 1943. Ce qui se passe dans le monde. La guerre est trop longue et ennuyeuse. Les gens se réindividualisent. L'Allemagne elle-même se réindividualise. Elle pensait Hitler, maintenant et depuis un mois, les femmes pensent femmes, les filles pensent filles, les fils pensent fils, le soldat s'interroge, qu'est-ce que je fais sous l'uniforme ? L'hiver 43, sur tous les fronts. Occupation et résistance. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Thomas Duterre. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. On sait que la Commission internationale de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Actualité française, 26 juin 1942. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hilaire, secrétaire général à l'administration. M. Heydrich a également pris contact avec M. Darquier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon. L'hiver 43 est le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les forces de l'Axe, Allemagne, Japon et Italie, connaissent leur première défaite majeure et la résistance acharnée des Soviétiques à Stalingrad est sur le point de faire tomber la 6e armée allemande. L'espoir renaît, mais l'Europe tout entière reste sous domination nazie. Le Reich a annexé l'Autriche, le Luxembourg, la Bohême-Moravie et une partie de la Pologne. Les pays satellites, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie et Roumanie, officiellement alliés de l'Allemagne, conservent une forme de souveraineté mais sont totalement soumis aux exigences des nazis. Le reste de l'Europe est occupé par l'Allemagne. Pays-Bas, Belgique, Norvège, Serbie, Grèce, Danemark et la France tout entière depuis que les Allemands ont envahi la zone dite « libre » le 11 novembre 1942. Dans les pays annexés ou occupés, la répression fait rage, à des degrés différents selon les régions. La Pologne, que l'Allemagne entend coloniser, subit un régime particulièrement violent. À Prague, à Paris ou dans les Balkans, en zone d'occupation allemande, italienne ou hongroise, comment vivent les populations durant cet hiver 43 entre occupation et résistance ? Le Reich hitlérien s'étend à partir de mars 1938 et l'occupation, l'Anschluss de l'Autriche, donc. Catherine Aurel, spécialiste de l'Europe centrale. Les nazis s'emparent de l'Autriche avec le soutien d'une partie de la population autrichienne. Et donc, à partir de là, les choses changent énormément dans le contexte centre-européen, puisque un certain nombre de pays se retrouvent frontaliers de l'Allemagne nazie qui s'est donc étendue à travers l'Autriche. Donc, ça nous donne deux frontières maintenant directes, par exemple pour la Tchécoslovaquie, et puis une frontière directe pour la Hongrie, puisque l'Autriche, en fait, disparaît. À partir de là, l'appétit venant en mangeant, Hitler s'enhardit, et l'absence de réaction des démocraties occidentales fait que son but suivant, c'est ce qu'on appelle la région des Sudètes, donc en Tchécoslovaquie, alors en pays tchèque plus exactement, région peuplée en partie de population allemande, que Hitler a instrumentalisé depuis déjà 1933 pour que cette population demande de façon appuyée son rattachement au Reich. Et en mars 1939, on a un double coup. D'un côté, l'Allemagne, les nazis envahissent la Tchécoslovaquie et au même moment, la Slovaquie déclare son indépendance. La Slovaquie devient un état satellite du Reich et puis les pays tchèques disparaissent, deviennent ce que l'on appelle le protectorat de Bohême-Moravie. Il y a un gouvernement du type pétainiste, en gros, dirigé par un politicien de centre-droit, Émile Aja, qui construit donc un gouvernement que les nazis adoubent, gouvernement qui expédie les affaires courantes, on va dire, et donc une présence nazie importante. Le chancelier du Reich, notre Führer, vient de nommer comme nouveau protecteur du Reich de Bohême-Moravie le chef adjoint des SS, Reinhard Heydrich, pour remplacer le protecteur Constantin de Neurath, qui est tombé malade. Le nouveau protecteur vient d'entrer dans ses fonctions. Il a été reçu ce matin au château de Prague par le secrétaire d'État. Peu après, le nouveau protecteur a effectué une inspection de l'armée, des unités SS et des unités de police. Dès l'origine, il y a une partie de l'armée tchécoslovaque qui n'a pas accepté que, en fait, la Tchécoslovaquie se soit couchée devant l'Allemagne. Et beaucoup de militaires tchèques choisissent de partir, donc s'exilent. On va retrouver notamment les pilotes, les aviateurs, très présents d'abord en France et puis à partir de la défaite de la France en juin 40, ces gens passent en Grande-Bretagne et vont être très importants au sein de la RAF. Et ils se créent donc à Londres un gouvernement tchèque en exil avec l'ancien président de la République, Edouard Beneš. Et à partir de là, donc, il y a un appel, un petit peu comme l'appel du général de Gaulle. Tous les Tchèques qui se trouvent à l'étranger libre, sont appelés à se joindre aux armées libérées. Donc ça, c'est pour la résistance extérieure. Horak und Strebung. Das heißt, da haben wir doch eine Verbindung mit England. Aber niemand hat den Horak oder den Strebung gesehen. Gibt es keinen anderen Beweis? Nur den Brief. Wir haben nichts Richtiges in der Hand. Also müssen wir wieder warten. Wir können aber nicht weiter warten. Verstehen Sie das? Wir brauchen mindestens irgendeinen Tatbestand. La résistance intérieure sur place, c'est très difficile. D'abord, le pays est petit, c'est difficile d'aller se cacher. Donc, les actions, les coups d'éclat sont essentiellement l'œuvre de la résistance étrangère. Après, donc, on va dire à partir de 41-42, où là, il y a des parachutages depuis la Grande-Bretagne de commandos composés donc de militaires tchèques qui, du coup, connaissant la langue, beaucoup d'ailleurs connaissent l'allemand aussi, donc ils ont une facilité à se fondre dans le paysage, et donc mène des actions extrêmement importantes de résistance. Et le grand coup d'éclat, c'est donc en mai 1942, un commando parachuté de Londres, bien entendu sur place, aidé par les réseaux de résistance locaux, fait un attentat contre le protecteur du Reich, donc le Reichsprotektor, Reinhard Heydrich, à la fin mai 1942. Il meurt, et là, il y a un déchaînement de représailles énormes contre la résistance intérieure et un phénomène très important qu'on appelle l'oradour tchèque. Deux villages, Lidice et Lejaki, qui sont des villages dans lesquels, semble-t-il, le commando aurait trouvé asile au moment de son parachutage. Et donc ces deux villages subissent plus ou moins le même sort que va subir Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire que les habitants sont raflés dans les villages et sont exécutés. À la Lidice Boulogne. La résistance ne s'en relèvera pas. Elle ne se relèvera qu'en 1944-1945 avec l'apport des Soviétiques. Lidice žijí a budou žít věčně. En France, le 11 novembre 1942, en réaction au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, les forces allemandes et italiennes envahissent la zone libre. La zone libre devient la zone sud, le pays est entièrement occupé et la ligne de démarcation n'a plus aucune utilité pour les Allemands. À la fin du mois de février 43, à grand renfort de propagande, Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, saisit l'occasion pour faire de la suppression de la ligne de démarcation une victoire remportée de haute lutte par le gouvernement vichyiste et le résultat de sa politique de collaboration. Il s'agit d'un assouplissement très large de la ligne de démarcation qui subsistera en tant que ligne de partage entre les deux zones, mais qui disparaît en tant qu'elle constituait une entrave à la liberté de circulation. Désormais, plus d'outside, plus de formalité, une simple carte d'identité. Je constate que ces résultats sont dus à une politique persévérante et tenace. Cette politique, je la faisais avant la guerre, pour éviter la guerre. La guerre est venue, nous avons connu la défaite, et j'ai fait cette politique pour atténuer pour notre pays les conséquences de notre malheur. Et j'ai fait cette politique parce que j'ai le sentiment qu'un continent est en train de s'organiser et que la France doit s'intégrer librement dans la nouvelle Europe. Le 21 février 1943, Paris, journal de Maurice Garçon, avocat. Les nouvelles sont importantes. Entre le nord et le sud de la France, la ligne de démarcation est supprimée. Laval à la TSF triomphe avantageusement. Il se targue que sa politique donne à la patrie de grands avantages. Il fait figure de bienfaiteur de son pays. À regarder d'un peu près, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir beaucoup. Le bienfait nous coûte cher. La contrepartie est affreuse. D'abord, toute la France étant aujourd'hui occupée, la ligne de démarcation ne servait plus à rien. Elle avait seulement pour résultat d'immobiliser une quantité de fonctionnaires ennemis qui, maintenant libérés, vont pouvoir gagner le front russe. La mesure embêtait autant les Allemands que nous. Le cadeau ne leur coûte qu'une économie. Et puis surtout, on exige en échange de cette libéralité l'envoi en Allemagne de 250 000 Français. Il fallait bien nous faire avaler cette horrible transportation. Et voilà que pour cette livraison, on affecte de nous traiter en amis. Nous devenons esclaves chaque jour davantage, à mesure que se resserre à l'est l'étau russe. On peut dire qu'en 1943, la situation de la France s'est globalement dégradée. Olivier Vivorca, historien. En 1940, la France pouvait croire encore qu'elle avait une certaine indépendance, puisque le pays était en gros divisé en deux zones. Et la zone sud était régie par le régime de Vichy, qui conservait une forme d'autonomie. En 1943, tout cela est bien loin, puisque en novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone libre, ce qui veut dire que l'ensemble du territoire français est occupé par les Allemands, mais également par les Italiens, et donc que l'autonomie du régime de Vichy a vécu. Elle a d'autant plus vécu que, au fond, les atouts sur lesquels Vichy comptait pour faire entendre sa voix, c'est-à-dire la flotte d'une part et l'empire de l'autre, eh bien, ces atouts se sont évaporés. La flotte s'est abordée à Toulon le 27 novembre 1942 et l'empire a, dans sa masse, basculé aux côtés des Anglo-Américains à l'exception de l'Indochine. 27 novembre 1942, Paris, Maurice Garçon. Que de nouvelles en quelques heures! Le vieux a reçu une lettre d'Hitler lui disant qu'il manque d'autorité pour maintenir l'ordre et que la marine se propose de passer à la dissidence. Dès 4 heures du matin, Toulon envahit, le canon a tiré, l'amiral a fait saborder les navires. Nous n'avons plus de flotte. La marine l'aura détruite. N'aurait-elle pas mieux fait de se battre? Nous voilà réduits à l'état de colonie et le vieux reste au pouvoir et conserve son trône. Joseph Barthélemy lui a proposé seulement de retirer la nationalité française à l'amiral Darlan et au général Giraud. Pour garder son rôle de fantoche, il n'hésite pas à tout céder sans protester. Il est entre les mains de l'ennemi un jouet docile. Jamais page de l'histoire de France fut plus honteuse. C'est une période où les Français ont faim, c'est une période où les Français ont froid, c'est donc une occupation de plus en plus rude. Après les transports ferroviaires, l'industrie du gaz absorbe une grande quantité de notre production charbonnière et se trouve par conséquent être très touchée par les privations actuelles. À tout consommateur, un mot d'ordre s'impose, se restreindre. De mauvaises habitudes répétées chaque jour provoquent annuellement un gaspillage de milliers de tonnes de charbon. Et nul n'a le droit de gaspiller. Disciplinez vos gestes familiers. N'ouvrez le robinet qu'après avoir enflammé votre allumette. Et fermez-le avant de retirer le récipient. L'eau qui bout à gros bouillons n'est pas plus chaude que celle qui frémit. Baissez donc votre gaz. La flamme débordante consomme mais ne chauffe pas. Recouvrez vos casseroles et devenez ingénieux. Nettoyez fréquemment vos brûleurs. Sachez qu'une douche dépense 10 fois moins de gaz qu'un bain. Ne laissez pas brûler des veilleuses inutilement. À l'effort du mineur doit correspondre l'effort du consommateur. Surveillez votre compteur. 1943 rebat les cartes. D'abord parce que le pays est envahi, tout le pays est occupé. La ligne de démarcation subsiste jusqu'en mars 1943, mais les contrôles entre l'ex-zone libre et la zone occupée sont beaucoup moins tatillons que ce qu'ils étaient en 1940. Le fait que, au fond, le régime de Vichy ait perdu une très large part de son autonomie va agir, au fond, comme un réducteur d'incertitude. Beaucoup de Français, patriotes, pouvaient croire ou voulaient croire au double jeu du maréchal Pétain. À partir du moment où Pétain n'est plus que la marionnette de l'Allemagne, eh bien ces illusions tombent. Donc pour toute une partie de la population française, ou pour un certain nombre de milieux sociaux, je pense par exemple à l'armée, on peut dire que les masques se déchirent. Là, ils sont au fond placés au pied du mur, et il n'y a pas véritablement de troisième voie qui se dégage. Autre élément qui pèse pour la résistance, c'est le STO. 4 mars 43, Paris, Maurice Garçon. On dépeuple la France et c'est autour de moi une tragique angoisse que j'observe. Chaque jour, on n'entend parler que des hommes qui partent, enrôlés de force pour travailler en Allemagne. On apprend maintenant que là-bas, ils portent la livrée verte et le brassard à croix gammée. Cette exportation d'un peuple est contraire à tous les principes du droit international public. Il n'y a plus, à vrai dire, de droit international. On fait, à la manière romaine, servir le vaincu à combattre ses anciens alliés en faveur du vainqueur. Et Vichy célèbre cette manière d'agir. Le vieux nous réconforte en disant qu'il nous fait servir la cause de l'Europe. Par Europe, on ne peut qu'entendre l'Allemagne. Nous continuons d'être livrés en détail à l'ennemi. L'inquiétude grandit dans chaque famille. Des trains entiers chargés d'un énorme effectif humain partent chaque jour de France. Jusqu'à présent, on ne les fait se battre qu'avec des pelles et des pioches. Je vois venir le moment où on leur donnera des fusils à tenir. La généralisation du service du travail obligatoire en février 1943 et l'appel de 3 classes d'âge conviés donc à travailler comme esclaves pour le Troisième Reich va créer un électrochoc et amener la résistance française à se mobiliser dans l'hiver 42-43 pour encourager d'une part à éviter ce travail obligatoire et donc transformer les requis en réfractaires et d'autre part essayer de transformer les réfractaires, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas partir, en résistant. Troisième élément, on peut dire aussi que à partir de 1942, la marche de la guerre s'infléchit. Jusqu'en 1942, l'Allemagne nazie n'avait pas enregistré de défaites retentissantes. Désormais, elle a enregistré 2 revers extrêmement importants. L'un d'abord dans les sables du désert à El Alamein, en Égypte, en octobre 1942. L'autre en février 1943 à Stalingrad. « 10 février 43. Paris, Maurice Garçon. » Les Russes gagnent de grandes victoires. Après Stalingrad, ils ont déferlé vers l'ouest. Ils ont pris Koursk, ils ont coupé l'armée allemande du Caucase. Ils sont aux portes de Rostov. Et voilà qu'autour de moi, je vois naître une inquiétude, le communisme. Les Russes vainqueurs font peur à la bourgeoisie. Et ce n'est pas très joli. La crainte de perdre leur rente rend beaucoup de Français mauvais Français. Sur cela, la propagande ennemie exerce de faciles ravages. Ils hochent la tête d'un air entendu quand on leur dit que l'on peut entrevoir le moment, maintenant, où les Cosaques occuperont Berlin. Beaucoup n'osent pas formuler trop directement qu'ils souhaitent la victoire allemande. Mais ils prennent un air entendu qui en dit long. Ils disent « Souhaitons qu'on ne regrette pas ». Et je vois se former de nouvelles divisions bien attristantes. À partir de 1942-1943, la résistance française va entrer dans un processus d'unification. Ce processus d'unification est confié à un ancien préfet, Jean Moulin, qui rencontre De Gaulle en octobre 1941 et qui lui dit « Mon général, attention, vous avez une résistance civile qui se développe en France. » Olivier Vivorca. Cette résistance civile n'intéressait pas le général De Gaulle, qui lui était plutôt intéressé par les réseaux de résistance qui fournissaient des renseignements, qui éventuellement sabotaient, bref, qui offraient une contribution militaire visible aux alliés, et que le général De Gaulle essayait de monnayer, c'est l'un des rares atouts dont il dispose auprès des Britanniques. Là, Jean Moulin lui dit « Faites attention à cette résistance civile, d'une part parce qu'elle représente un atout, vous aurez des hommes dévoués qui peuvent miner la résolution allemande et qui, au jour du débarquement, peuvent se transformer en combattants. Et d'autre part, si vous ne prenez pas garde à cette résistance intérieure qui se développe, eh bien vous pourrez peut-être, lorsque vous reviendrez en France prendre le pouvoir, la trouver non avec vous, mais contre vous. » Et donc, à partir de ce moment-là, De Gaulle est convaincu par les arguments de Jean Moulin et charge Moulin d'unifier la résistance. À partir du moment où Jean Moulin a réussi à opérer l'unification de la résistance en zone sud, se pose la question épineuse de la zone nord. Et là, vous avez une concurrence entre, d'une part, le chef des services spéciaux de la France libre, le colonel Passy, et Pierre Brossolette, qui, eux, veulent créer, au fond, une structure dédiée à la zone nord. Et d'autre part, Jean Moulin et le général de Gaulle, qui veulent désormais un processus d'unification qui concerne la France tout entière et qui emprunte une forme différente. Dans ce qui va devenir le Conseil national de la Résistance, que De Gaulle demande à Jean Moulin d'organiser en février 1943, l'idée c'est de rassembler non seulement les principaux mouvements de résistance, mais également les deux principales centrales syndicales, la CFTC, la CGT, la CGT étant à l'époque réunifiée entre les communistes et les non-communistes, et les principales tendances politiques françaises. C'est ça que Jean Moulin est chargé de réaliser, et c'est cela qu'il va réussir à faire en créant le Conseil national de la Résistance en mai 1943. Depuis novembre, il n'y a plus qu'une seule France. C'est le message que les marins de Toulon ont proclamé au monde. Les lettres françaises, 12 février 43. Et le gouvernement de Vichy ne fait plus illusion à personne, ni sa panoplie de maréchal. Il n'y a plus qu'une seule France dont les efforts doivent être tendus vers la victoire. Elle a son armée africaine et des forces combattantes. Elle a ses ouvriers, qui résistent à la déportation et sabotent la production. Elle a ses paysans, qui résistent à la réquisition. Elle a ses intellectuels, qui luttent dans l'ombre pour faire rayonner la pensée française. Et elle a aussi son armée clandestine de partisans, noyaux et avant-garde de l'armée populaire de la libération. L'union, la coordination de toutes ces forces intérieures au moyen des comités de Front National, peut et doit préparer l'insurrection nationale sans laquelle il ne peut y avoir de libération nationale. Comme le disait si justement le général de Gaulle, elle peut et doit hâter la constitution du deuxième front, la victoire des alliés, et libérer la France de l'envahisseur en 1943. Dans cette galaxie, le Parti communiste français joue un rôle important. Et le Parti communiste français se présente comme l'avant-garde, au fond, de la résistance, via le Parti communiste français lui-même, bien sûr, mais également via son organisation de résistance, le Front National, le FN. C'est un partenaire majeur, mais c'est un partenaire incommode. le poids du Parti communiste français, sa dépendance à l'égard de Moscou, mais également les modes d'action qu'il préconise, et notamment ce qu'il appelle l'action directe, c'est-à-dire le fait de tuer des soldats ou des officiers allemands. Il le fait pour la première fois le 21 août 1941 à la station Barbès-Rochechouart. C'est le célèbre attentat de Fabien. L'aspirant Moser tombe donc sous les balles de ce commando communiste. Tout cela provoque des débats au sein de la résistance qui s'inquiètent parfois, et c'est le cas de Fresnel, le patron du mouvement combat, de la part trop importante du Parti communiste français et du risque d'une prise de pouvoir à la Libération. Donc vous avez dans une partie de la résistance française un très fort anticommunisme qui contribue dans une certaine mesure à marginaliser le PCF. À l'inverse, vous avez toute une partie de la résistance qui, tout en n'étant pas communiste, pense que le Parti communiste a changé et qu'il faut faire un bout de chemin avec les communistes, même si l'on ne partage pas nécessairement leurs idées. Sur le front français, action de francs-tireurs et de partisans. Les lettres françaises, 18 février 43. Dans le communiqué publié par notre confrère France d'abord, organe des francs-tireurs et partisans, nous relevons les faits suivants. À La Courneuve, un autobus chargé de soldats Bosch a été attaqué à la grenade. À Hermont, une grenade a été lancée sur un train de permissionnaires Bosch. À Charenton, un dépôt de filets de camouflage a été incendié. À Châtenay-Malabry, un local occupé par les Bosch a été détruit. À Saint-Cyr, plusieurs wagons de paille ont été incendiés. À Orléans, un dépôt de charbon de bois a été détruit. Une bouteille incendiaire est jetée contre la permanence du RNP. À Moutier, dans le Doubs, deux conduites d'eau de 6 mètres de circonférence sautent. Elles alimentaient les turbines de la centrale hydraulique de l'Est, qui fournit le courant aux usines Peugeot et à une partie de la population. De Gaulle a réussi à s'imposer d'abord parce qu'il apporte à la cause alliée des atouts non négligeables. À partir de 1943, tout l'Empire, sauf l'Indochine, est soudé derrière le général de Gaulle. L'Empire, cela veut dire des ressources en hommes. Vous allez avoir une contribution française non négligeable. À la fin de la guerre, la France a levé quand même 500 000 hommes, dont une grande partie, ce sont des soldats coloniaux. L'Empire apporte également ses bases territoriales. Un pays comme le Tchad, par exemple, qui, a priori, ne joue pas un rôle stratégique majeur, est une escale importante pour les avions qui viennent, par exemple, d'Afrique du Sud et qui se déploient par la suite au Moyen-Orient. Et la contribution de Gaulle est aussi une contribution politique, dans la mesure où les Anglo-Américains finissent par admettre que de Gaulle est le représentant patenté de la France. De Gaulle, au fond, va garantir ce à quoi les Britanniques et les Américains tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, la loi et l'ordre. Au fond, les Anglo-Américains savent que lorsqu'ils auront débarqué, il n'y aura pas de troubles intérieurs en France. Et c'est bien évidemment une garantie que de Gaulle leur apporte et que les Anglo-Américains apprécient extrêmement favorablement. Dans les Balkans, la situation est particulièrement violente et complexe. La Grèce et la Yougoslavie, complètement démembrées, sont partagées en zones d'occupation allemande, italienne, mais aussi bulgare et hongroise. Les pays satellites ont profité de l'invasion nazie pour s'emparer des territoires dont ils estimaient avoir été privés lors du partage de l'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. De son côté, le régime croate des Oustachis, proche des nazis, annexe la Bosnie-Herzégovine. À cela s'ajoutent les affrontements entre les mouvements de résistance yougoslaves, les communistes d'un côté et les tchétniques issus de la droite nationaliste serbe de l'autre. Xavier Bougarel, vous êtes historien, spécialiste des Balkans. Comment vous pourriez décrire la situation dans les Balkans durant cet hiver 42-43? Alors, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée dans les Balkans en avril 1941, quand les troupes allemandes, italiennes et bulgares ont envahi la Yougoslavie et la Grèce. L'Albanie étant sous contrôle italien depuis 1939. Suite à cette offensive militaire éclair, la Yougoslavie a été décomposée en plusieurs entités politiques, dont les principales sont l'État indépendant de Croatie, dominé par les Oustachis, et la Serbie sous protectorat allemand. Et la Yougoslavie, comme la Grèce, ont été divisées en zones d'occupation. Vous avez essentiellement des zones d'occupation allemande et italienne, que ce soit en Yougoslavie ou en Grèce, et une zone d'occupation bulgare en Macédoine et en Thrace. L'important dans ce contexte, c'est le facteur italien, c'est-à-dire c'est la seule région d'Europe où les Italiens jouent un rôle important jusqu'à la capitulation de l'Italie en septembre 1943. Mais donc en 1942-1943, les Italiens sont encore un facteur important, ils occupent une bonne partie de l'ancienne Yougoslavie, ils occupent l'Albanie et la majeure partie de la Grèce, sauf des points stratégiques comme Athènes ou Thessalonique qui sont occupés par les Allemands, ou la Crète. Qu'est-ce qui fait que la Croatie a réussi à échapper à l'occupation et bénéficie d'un régime indépendant ? Alors, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, qui sont inclus dans le même État, à savoir l'État indépendant de Croatie, le NDH, n'échappent pas à l'occupation. L'État indépendant de Croatie a été créé sur les ruines du royaume de Yougoslavie, par les Italiens et par les Allemands. C'est un État croupion qui n'a d'indépendant que le nom, qui est dominé par les Oustachis, c'est-à-dire un mouvement d'inspiration fasciste minoritaire, mais soutenu dès l'entre-deux-guerres par les Italiens et de façon plus marginale par les Hongrois. Ce régime Oustachi n'a pas de soutien important dans la population croate et très hostile à la population serbe de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, hostile au point de mener un génocide contre cette population serbe. Et comme je vous l'ai dit, l'État indépendant de Croatie est divisé en deux zones d'occupation, une italienne, une allemande. Donc l'État indépendant de Croatie, même s'il n'est pas formellement sous occupation, dans le sens où les autorités militaires exerceraient directement le pouvoir politique, il y a bien une présence de troupes allemandes et italiennes dans l'État indépendant de Croatie. Chant du mouvement Oustachi. La situation en Serbie rappelle par certains aspects la France, c'est-à-dire que les Allemands occupent la Serbie et ont mis en place un régime de collaborateurs dirigé par un général de l'ancienne armée yougoslave, le général Nedić. Donc on pourrait voir un parallèle avec le régime de Vichy, dominé lui aussi par un ancien militaire. Ceci dit, la Serbie occupée par les Allemands a certainement moins de marge de manœuvre que le régime de Vichy, ne serait-ce parce qu'en Serbie, il n'y a pas une zone sud. C'est toute la Serbie qui est occupée et toute la Serbie qui est soumise à la domination allemande. La marge de manœuvre des collaborateurs serbes est sans doute beaucoup plus réduite. Et par exemple, en ce qui concerne l'extermination des Juifs de Serbie, les autorités locales vont jouer un rôle tout à fait secondaire. La particularité de l'Holocauste en Serbie, outre qu'il est très précoce, hein, c'est-à-dire que les Juifs sont exterminés en Serbie dès 1941-1942, c'est très très rapide. Et c'est aussi que l'Holocauste est essentiellement le fait de la Wehrmacht. Contrairement à ce qui se passe en Croatie, où les Oustachis croates, donc les collaborateurs croates, vont jouer un rôle extrêmement important dans l'élimination des Juifs de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce qui, d'après vous, Marielle Matar-Bonucci, différencie les conditions de vie pour les populations dans les territoires occupés par les Italiens par rapport à ceux occupés par les Allemands ? Dans les territoires occupés, l'ordre totalitaire fasciste, qui est terrible, l'est cependant beaucoup moins que celui que les Allemands imposent en termes de répression. Et ce qui différencie essentiellement les deux occupants, c'est leur attitude vis-à-vis des populations juives. Alors il peut y avoir une dimension un peu schizophrène dans la politique italienne, puisque il faut rappeler qu'en 1938, donc, les Italiens ont adopté des lois anti-juives très dure en Italie, que ces lois ont été mises en application, mais entre novembre 42 et septembre 43, eh bien, ils vont s'opposer, donc, quand ils le peuvent, à la déportation des Juifs dans les territoires qu'ils occupent, qui les conduira quelquefois à des frictions avec les Allemands. Alors, comment expliquer cela ? D'abord, il est clair que l'antisémitisme, même s'il est présent, est beaucoup moins enraciné et central dans l'idéologie fasciste que c'est le cas dans le national-socialisme. Mais il y a là encore des calculs d'intérêt. Et d'abord, les Italiens, sur cette question de la déportation des Juifs, tentent de s'imposer, d'imposer leurs prérogatives de puissance occupante et donc ne veulent pas se laisser dicter leur comportement par les Allemands. Donc c'est une façon d'afficher justement une autorité qui leur fait défaut par ailleurs. L'occupation italienne est une occupation extrêmement répressive. Les Italiens ne se privent pas de pratiquer ce que font les Allemands, c'est-à-dire des représailles à l'encontre des populations civiles lorsqu'il y a des actes de résistance. En même temps, je dirais, c'est à une autre échelle par rapport à ce que pratiquent les Allemands. Mais l'image de l'italiano bravo, occupante, brava gente, comme on dit parfois, c'est-à-dire d'une occupation qui aurait été, encore une fois, édulcorée pour son visage répressif, a été tout à fait battue en brèche par les travaux des historiens, et notamment par ceux de David Rodogno. On présente souvent l'occupation italienne comme plus Xavier Bougarel. Supportable que l'occupation allemande. Il y a ce mythe du gentil soldat italien contre le méchant soldat allemand. Mais c'est largement le résultat d'une propagande italienne de l'après-guerre. L'attitude de l'armée italienne face aux populations civiles et en particulier aux populations insurgées est très semblable à celle de l'armée allemande, à savoir qu'on brûle les villages, on exécute des otages, on massacre les populations locales, on déporte, on emprisonne dans des camps de concentration. La seule différence importante dès 1942, c'est que les Italiens s'associent en fait à la résistance anticommuniste, à la résistance nationaliste, en particulier les tchétniks serbes, donc qui sont des royalistes serbes, qui ont commencé à participer à l'insurrection des populations serbes en 1941, mais qui, fin 1941, début 1942, rentrent dans un affrontement violent avec les partisans communistes et dérivent vers la collaboration, en particulier avec les Italiens. Donc vous voyez que même dans le camp de la collaboration, vous avez des luttes d'influence extrêmement importantes. Hein, le paysage n'est pas simple du tout. L'occupation bulgare aussi est très dure en Grèce. Vous avez des exécutions massives dans la Thrace occupée par les Bulgares. Sur le plan économique, les pays occupants essayent d'exploiter au maximum les pays conquis, en particulier en leur prenant des produits agricoles et des minerais. Et puis l'occupation de la région et le découpage de la région en différents états ou entités politiques séparées, en différentes zones d'occupation, désorganise complètement le commerce, le ravitaillement. Ça conduit à des pénuries très importantes et surtout en Grèce, à l'hiver 1941-1942, vous avez une énorme famine. Also im Prinzip heißt es, dass in diesem Kriegswinter war die Lage je nach Gesellschaft sozial ganz anders. Caroline Metzger, de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Durant cet hiver de guerre, la situation était complètement différente selon les pays. Il y a de la violence partout, il y a eu un nettoyage ethnique, il y a eu l'Holocauste à différents niveaux, mais la façon dont cela s'est passé était complètement différente selon les endroits où on se trouvait. Hatte einen Einfluss auf die Anforderungen Deutschlands auf die. Il est également important de dire que la défaite de Stalingrad a eu un impact sur les exigences de l'Allemagne, sur les alliés et sur les collaborateurs tels que les Volksdeutsche. Les Volksdeutsche, d'après les termes de l'époque, sont des populations germanophones vivant en dehors des frontières de l'Allemagne et qui n'ont donc pas la nationalité allemande. Et selon les estimations allemandes, il y en avait 30-40 millions dans toute l'Europe. Also das heißt, auch vor diesem Kriegswinter 42-43 wurden sogenannte Volksdeutsche massiv eingezogen. Ces personnes ont été très fortement mobilisées par l'Allemagne pendant la guerre. Même avant cet hiver de guerre 42-43, les Volksdeutsche étaient massivement enrôlés dans la Wehrmacht, en particulier dans la Waffen-SS. C'est-à-dire qu'au cours de la guerre, la Waffen-SS était en fait principalement occupée par des personnes prétendant être des Allemands de souche, mais qui étaient en fait des personnes sans citoyenneté allemande. Avec Stalingrad, ces personnes ont de plus en plus été enrôlées de force et par la violence. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas nécessairement servir l'Allemagne, des personnes qui étaient trop âgées ou qui avaient déjà servi dans l'Empire des Habsbourg, par exemple. Mais c'est important de dire que même avant Stalingrad, il y en avait des milliers, en particulier des jeunes hommes, qui s'intéressaient beaucoup au national-socialisme et qui ont rejoint la Wehrmacht de leur propre chef et même les Waffen-SS avec beaucoup d'enthousiasme. Gerade junge Männer, die sehr interessiert waren am Nationalsozialismus und die auch von sich aus der Wehrmacht, der Waffen-SS und so weiter beigetreten sind mit sehr viel Enthusiasmus. Aber gerade nach Stalingrad, als diese Männer schon im Militär waren. Mais juste après Stalingrad, alors que ces hommes étaient déjà dans l'armée, l'ambiance a changé et tous les autres ont simplement été enrôlés de force. C'est particulièrement clair chez ces minorités allemandes dans ces territoires-là. C'est-à-dire que la désillusion est particulièrement forte pour les germanophones de Voïvodine, par exemple. Ça va être lié à la pression qui est mise par les nazis dans les zones d'occupation. Ich würde sagen, einen großen Teil davon ist tatsächlich generationell. Also das heißt, die Je dirais qu'en grande partie, cela est en fait lié à une question de génération. En d'autres termes, les jeunes générations étaient généralement plus enthousiastes. Des groupes locaux de jeunes hitlériens avaient été créés dans les années 30 pour éduquer les jeunes, idéologiquement, pourrait-on dire. Donc, dès les années 30, l'Allemagne finance des groupes de jeunesse hitlérienne, par exemple, mais aussi du matériel scolaire, des enseignants, des formateurs, qui vont faire de la propagande à l'étranger auprès des Volksdeutsche. Ces courants étaient très forts dans certaines régions, comme dans le Banat, par exemple, qui se situe sur les territoires roumains, serbes et hongrois. Ça veut dire que, comme pour les Sudètes, en fait, Hitler a vraiment utilisé ces communautés germanophones dans les différents pays d'Europe centrale pour asseoir son pouvoir à venir. Absolute. Und das, wie gesagt, spielt es hier auch ein Unterschied, unter welcher Besatzungsmacht diese Absolument. Gesellschaften dann standen. Et comme je l'ai dit, il y a de grandes différences en ce qui concerne l'occupation allemande selon les régions. Dans le Banat, par exemple, la minorité allemande, les Volksdeutsche sont pratiquement devenus la puissance d'occupation. La Wehrmacht a envahi le pays en 1941 et a installé les dirigeants Volksdeutsche pro-nazis locaux au pouvoir. Dans les faits, le pouvoir administratif appartenait aux Volksdeutsche et non à l'Allemagne. Mais c'est propre au Banat. Cela ne s'est pas produit dans les Sudètes, par exemple, où les Allemands ont conservé le pouvoir. Vous avez effectivement dans les Balkans une situation extrêmement complexe, vu les différents occupants, vu les différentes entités politiques qu'on crée ou qu'on essaye de créer sur les ruines de l'ancienne Yougoslavie. Xavier Bougarel, spécialiste des Balkans. Et puis cette distribution aléatoire, enfin cette coexistence de différentes communautés religieuses et nationales que les occupants ont beaucoup de mal à comprendre et qu'ils veulent résoudre par des politiques de déplacement de population ou de génocide qui ne font qu'accroître la violence sur le terrain. Et puis vous avez ces mouvements de résistance importants et qui se divisent entre communistes et anticommunistes et qui s'affrontent. Dans cet affrontement, certains constituent des alliances contre nature, entre guillemets, avec l'occupant. Pour les populations civiles sur place, ça implique une adaptation permanente à des rapports de force qui changent très rapidement. C'est-à-dire que les partisans, en particulier communistes, que ce soit en Yougoslavie ou en Grèce, vont occuper certaines régions que les Allemands ou les Italiens vont leur reprendre quelques mois plus tard. En Yougoslavie, les tchétniques et les partisans vont se battre pour le contrôle de certaines régions. Donc vous avez certains villages ou certaines villes qui vont changer de main 10 ou 15 fois au cours de la guerre. Si on prend une ville symbolique en Bosnie-Herzégovine, qui est la ville de Srebrenica, la ville de Srebrenica va changer de main plus d'une dizaine de fois en 4 ans. Avec à chaque fois des violences contre les partisans des anciens occupants, etc. Donc pour les populations civiles, ça demande une adaptation constante à des réalités militaires et politiques extrêmement mouvantes et dans un contexte où les représailles des uns et des autres sont quasi permanentes. Les Allemands mettant en pratique le principe qu'on retrouve sur le front de l'Est de « pour un Allemand tué, 100 otages exécutés ». Et donc, dans ce contexte-là, les civils non combattants sont dans une situation extrêmement périlleuse en permanence. Et vous avez aussi, pour rajouter à la complication, des milices locales qui se créent au niveau des villages, qui sont parfois formellement rattachées au mouvement tchétnique ou au mouvement oustachi, mais qui en fait mènent leur propre politique locale. Vous avez aussi des différentes milices musulmanes en Bosnie-Herzégovine ou albanaises au Kosovo et en Macédoine, mais qui ne répondent en fait qu'aux ordres de leur petit chef local et qu'ont leur petit agenda local qui est d'un côté d'éviter toute représaille, de l'autre de trafiquer et de piller les villages voisins. Mais vous avez toutes ces milices locales très éparses qui ont un agenda politique et économique local et qui complexifient encore la situation parce qu'elles vont s'allier un jour avec les Oustachis, le lendemain avec les Tchétniks, trois jours plus tard avec les partisans. Donc ça vous donne un paysage d'ensemble extrêmement complexe et qui se recompose en permanence et dans lequel seuls les mouvements des partisans communistes vont arriver à créer ce qui ressemble à un État. Et c'est ce qui explique qu'à la sortie de la guerre, ils sont en position dominante, c'est-à-dire ce sont les seuls en fait qui, à partir d'une situation sur le terrain extrêmement confuse et brutale, arrive à créer une vraie armée, arrive à créer un vrai appareil d'État et arrive à assurer aux populations locales un minimum de sécurité. Des partisans yougoslaves. Quand on regarde l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud-Est, quand je dis l'Europe du Sud-Est, là je pense à la Yougoslavie, hein, notamment le mouvement de Tito, les partisans communistes. Barbara Lambauer, historienne. Ils se renforcent et ils deviennent de véritables armées qui apportent des coups très durs à l'armée allemande et au point qu'en été 1943, le général commandant de la région, Leon, doit même constater qu'il n'arrivera jamais à prendre le dessus de ces partisans communistes de la Yougoslavie qui sont très présents en Bosnie, en Herzégovine, et que en fait il s'agit désormais de limiter et de sécuriser les voies de communication et tout le reste ils doivent le laisser aux partisans. Et c'est possible uniquement effectivement au front de l'Est parce qu'il y a l'armée rouge qui n'est pas très loin, une coordination est possible, et pour la Yougoslavie, pour l'Europe du Sud-Est, c'est aussi tout simplement parce que les Allemands n'ont pas énormément de forces militaires pour vraiment prendre le contrôle du pays. Ce qui les intéresse, c'est effectivement le voie de communication et poursuivre l'exploitation. Il faut savoir qu'en 1943, donc encore une fois, c'est une période très importante de bouleversement, de basculement. La question est qui va avoir assez d'armement, qui va pouvoir fabriquer des armes le plus rapidement possible. L'Allemagne a cruellement besoin des ressources premières qu'elle tire notamment des pays occupés ou des pays qui sont alliés avec lui. Je pense à la Hongrie, je pense à la Roumanie. Et dans ces pays-là, on commence à un petit peu prendre la distance, ou bien il y a des mouvements de résistance qui empêchent ou qui limitent cette exploitation. Et du coup, effectivement, la guerre, elle rentre dans une nouvelle phase qui est marquée par cette pénurie, et pénurie qui concerne aussi les soldats allemands. Parce que quand on parle de la résistance glorieuse qui est très très forte, qui l'emporte sur l'armée allemande, c'est très souvent le cas parce que l'armée allemande, elle est totalement en sous-effectif. Les résistants communistes, les partisans, suivent autant qu'ils le peuvent ce qui se passe sur le front russe. Xavier Bougarel. Parce qu'ils attendent beaucoup de l'armée rouge, parce qu'ils incitent la population à s'identifier à l'armée rouge pour dépasser ce sentiment d'isolement au cœur de l'Europe occupée. Les partisans sont quand même dans des régions montagneuses encerclées par les Allemands et les Italiens, mais pour dépasser ce sentiment d'isolement, on s'identifie le plus fortement possible à l'armée rouge et à ses succès militaires. La victoire de Stalingrad ne va pas jouer un rôle important dans l'immédiat. En février-mars 1943, sur le terrain, ils sont en position très difficile. Les Allemands ont lancé une grande offensive au début de l'année 1943 contre les bastions des partisans en Bosnie occidentale. Et pendant plusieurs mois, les Allemands, aidés par les Italiens et les Tchétniks, vont courir après les partisans pour essayer de les encercler et de les anéantir. et vont presque réussir à deux reprises, vers avril, dans ce qu'on appelle la bataille de la Neretva, donc en Bosnie-Herzégovine, et d'autres mois plus tard, dans la bataille de Sutjeska, où là, le mouvement des partisans, enfin au moins les troupes qui entourent Tito et son état-major général, sont pratiquement défaites dans cette bataille de Sutjeska, à la frontière entre la Bosnie et le Monténégro, et où les partisans ne survivent quasiment que par miracle, et avec des pertes énormes. Donc pendant plusieurs mois, les partisans sont talonnés par les Allemands et les Italiens, et donc n'ont pas trop le temps de se réjouir de la victoire russe à Stalingrad. En fait, le véritable tournant pour les partisans yougoslaves et grecs et albanais, c'est la capitulation de l'Italie en septembre 1943, qui change largement la situation sur le terrain, puisqu'à partir de septembre 1943, non seulement les populations locales se rendent compte que les occupants vont perdre la guerre, c'est vraiment la capitulation italienne qui fait basculer les opinions publiques, pour employer un terme actuel. Et puis, la capitulation italienne, c'est aussi l'occasion pour les partisans yougoslaves, grecs et albanais de s'emparer de stocks d'armes extrêmement importants et donc de grossir leur rang très rapidement. C'est à partir de septembre 1943 que les armées des partisans prennent un caractère véritablement massif. Donc la victoire de Stalingrad joue un rôle symbolique et nourrit cette attente qu'il y a envers l'armée rouge. Mais le vrai moment de basculement dans les Balkans, c'est septembre 1943 avec la capitulation italienne. Merci à Catherine Aurel, Olivier Vivorca, Xavier Bougarel, Barbara Lambauer, Marianne Matar-Bonucci et Caroline Metzger. Prise de son, Lucas Desrodes, Nadège Antonini et Philippe Mercher. Mixage, Manon Houssin. Lecture, Pierre-Benoît Varoclier et Anne Stephens. Traduction, Nathalie Maupetit. Documentation Annelise Signoret, Archivina Clary Monac, attachée d'émission Marivana Bolivier et Anaïs Morales, coordination Perrine Kervan. Merci à André Abrille de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. C'était l'hiver 43 sur tous les fronts, Occupation et résistance, un documentaire de Christelle Le Polothèque et Thomas Duterre.